Léoka souri la désir qu'a trahir. Moi c'est bas, tout chez moi. Vous mettez plein douceur à dans la vie. Moi c'est bas, toute fausse moi. Pas jamais senti tout seul encore. Aime un pli fort, moi envie, ouais, content, rigoler qu'on avant, moi les la vie au pli belle, pourvu ça éternel. Soleil le matin, moi choisis moi les ovinis pour moi maman.